profondeur s'il y avait au printemps sur l'herbette, j'entends le rossignolet. Trois fendeurs y avaient, parlant à la fillette. Le plus vieux s'écriait, celui qui tient la fende, j'entends le rossignolet. Le plus vieux s'écriait, quand j'aime, je commande. Le plus jeune chantait, celui qui tient la rose, j'entends le rossignolet. Le plus jeune chantait, moi j'aime, mais je n'ose. Le troisième disait, qui tient la fleur d'amande, j'entends le rossignolet. Le troisième disait, moi j'aime et je demande. Mon maître ne serait vous qui portez la fende, j'entends le rossignolet. Mon maître ne serait, amour ne se commande. Mon ami ne serait, vous qui portez la rose, j'entends le rossignolet. Mon ami ne serait, si vous n'osez, je n'ose. Mon amant, vous serez, vous qui portez l'amande, j'entends le rossignolet. Mon amant, vous serez, on donne à qui demande.